dise quoi faire ou qu'on me dise de me taire. J'aime pas qu'on me questionne, qu'on m'espionne. Quand on me suit à la trace, qu'on envahit tout mon espace, atteinte à la personne. J'aime me promener l'été, le soir, marcher les pieds nus sur l'herbe mouillée pour le plaisir. J'aime quand tu me pousses sur une balançoire et voir le ciel se renverser comme dans mes souvenirs. Ne t'en fais pas pour moi, je m'en sortirai toujours. Et si c'est pas toi, je trouverai un autre amour. Je suis pas compliqué, je fais pas de détour. Je demande qu'à t'aimer comme si c'était le premier jour. Déteste les mois de janvier, les arbres sont recroquevillés comme si ils allaient pleurer. J'ai pitié, les soirées devant ma télé, coincées dans mon 20 mètres carrés, les rats, les araignées. J'adore le chocolat chaud, l'hiver m'enroule dans un pull offert, tes bras quand tu me serres. J'adore les 4 heures volées, les 5 à 7. Sortirai toujours. Et si c'est pas toi, je trouverai un autre amour. Je suis pas compliqué, je fais pas de détour. Je demande qu'à t'aimer comme si c'était le premier jour. Comme si c'était